الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la 35e leçon de cette série de leçons sur l'Itqan de l'imam Suyuti, livre qui traite des sciences du Coran. Et donc, maintenant, c'est la quatrième grande branche des sciences du Coran, à savoir la branche des ulum ta'wil, la branche des sciences relatives à l'interprétation du Coran. Là, nous sommes au cœur du texte, à l'interprétation du texte. Bon, nous avons déjà parlé de l'étude de l'état du texte dans le but d'argumenter, dans le but d'en tirer les enseignements, les ahkam, les statuts, les qualifications juridiques. Et sous ce thème-là, nous avons étudié le général, le particulier, l'abrogeant, l'abrogé. Nous avons aussi parlé des apparences contradictoires du Coran. Nous avons parlé du mutlaq et du muqawiyyat. Du mutlaq, le texte à portée absolue qui comporte une limitation restrictive, et le texte qui ne le comporte pas, c'est ce qu'on appelle le mutlaq. Et bon, nous avons parlé du muhkam et du mutashabih. Ça, c'est une des sous-parties de la branche des sciences du au Coran. Puis la dernière chose qu'on a faite, c'est la balara. Nous avons traité de la balara, la rhétorique, la rhétorique du Coran. Si vous voulez, le champ de la rhétorique, ça je l'ai dit, se divise en trois champs. Il y a le champ de l'expression, haql al-bayan, jusqu'à quel point un discours est clair. C'est ce qu'on appelle la rhétorique des figures. Et ça, c'est un des champs de la rhétorique. Et puis le deuxième champ, c'est le champ de la sémantique, haqlu al-ma'ani. Et puis le troisième champ, c'est le champ de l'esthétique, qui traite des procédés esthétisants, lien de correspondance entre les mots, les sonorités, les mots et leur assonance. Ça, on va l'étudier, inshallah, prochainement. Le champ que nous avons traité, étudié, c'est le champ de l'expression, haql al-bayan, jusqu'à quel point un discours est clair. Et là, nous avons parlé de ce qu'on appelle l'haqiqa ou l'bayan, le sens propre, l'haqiqa ou l'majaz, le sens propre, le sens figuré, la métaphore, la métonymie, nous avons étudié ça, la comparaison, et il nous reste l'allusion et le sous-entendu, al-kinaya wa ta'rid. Al-kinaya wa ta'rid, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui pour clôturer ce champ-là et passer, inshallah, au champ de la sémantique, haql ulum, ulum al-ma'ani. Alors, l'allusion et le sous-entendu et le ta'rid. L'allusion, al-kinaya et le ta'rid. L'imam Suyuti, il y a consacré le 54e chapitre de son livre Al-Itqan. C'est le troisième volume de son livre. Alors, en langue arabe, Al-Kinaya, c'est le fait de couvrir une chose et la cacher. C'est ça Al-Kinaya à la base, dans son emploi d'origine en langue arabe. Couvrir une chose, la cacher, la dissimuler. Satr wal-khafa, comme on dit. Et le contraire de la kinaya, c'est la déclaration expresse, c'est la manifestation. Et dans la terminologie des rhétoristes, la kinaya, c'est le fait d'employer un terme, ou une phrase, en visant l'implication de son sens, avec la possibilité de viser aussi son sens immédiat, avec la possibilité de viser aussi son sens immédiat. لفظ أطلق وأريد لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي. مع جواز إرادة المعنى الأصلي. La différence fondamentale entre l'allusion et le majaz, le sens figuré, enfin la métonymie de manière générale, c'est que dans le majaz, dans le majaz, il y a l'existence d'un contexte qui empêche le sens immédiat. Tandis que dans l'allusion, il y a un contexte en vertu duquel on a visé par le terme l'implication de son sens, mais ce contexte-là n'empêche pas le sens immédiat. Exemple. Dans le majaz. Je vais donner l'exemple qui explique cette différence. Dans le majaz, dans Surat Yusuf. Yusuf. Où le compagnon de prison de Youssef, alayhi salam, a dit, bon, il a exposé son rêve, il a dit, je me suis vu pressant du vin. Inni arani a'saru khamra. Inni arani a'saru khamra. Je me suis vu pressant du vin. Normalement, on ne presse pas le vin, mais on presse le raisin. Hein? Le contexte empêche le sens littéral. C'est ça le majaz. Le contexte, il empêche. On ne presse pas du vin à la base. Hein? Mais on presse le raisin. D'accord? La kinaya, c'est quoi? Je vais donner un exemple qui ne fait pas partie du Coran. Je dis, Mohammed est quelqu'un chez qui se trouvent les cendres en abondance. Ça, j'ai déjà donné cet exemple. Je dis, Mohammed Kathir al-Ramad. Mohammed est quelqu'un chez qui, dans sa maison, se trouvent les cendres en abondance. Nous avons mentionné ce terme, bon, les cendres en abondance, en visant quoi? En visant leur implication. Qu'est-ce qu'implique l'abondance des cendres? C'est l'allumage fréquent du feu, la cuisson de manière fréquente, et puis bon, l'hospitalité et la générosité. Ça, c'est l'exemple que donnent les bédouins. Il faut se mettre dans le cadre d'une vie bédouine à la campagne. Il n'y a pas les buts à gaz, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas l'électricité et tout. D'accord? C'est une parabole ancienne. Donc, quand on dit que un tel a la cendre abondante chez lui, ça veut dire qu'il prépare beaucoup le repas, ça veut dire qu'il reçoit beaucoup d'invités, et donc c'était quelqu'un de généreux. D'accord? Puis-je employer cette phrase, bon, ce passage abondance des cendres, sans faire allusion à quoi que ce soit? La réponse est oui. Donc le contexte n'empêche pas le sens immédiat, contrairement au majaz. Le contexte n'empêche pas le sens immédiat. C'est ça la différence entre la kinaya, l'allusion, et la métonymie, et le majaz. Je vais donner des exemples sur l'allusion, la kinaya. Alors l'allusion. L'allusion ou le terme employé implique une qualité qui n'a rien à se faire. Je vais donner un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, le Messie, fils de Marie, n'est qu'un envoyé. Avant lui, bien des envoyés passèrent. Sa mère était parfaitement véridique. Tous deux mangeaient de la nourriture. Mais le Messie ibn Maryam illa rasulun. قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. Ça c'est un verset de sourate Al-Ma'ida. D'accord? Qu'est-ce qu'implique ce passage? Hein? Tous deux mangeaient de la nourriture. Mais le Messie ibn Maryam illa rasul قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. Le Messie fils de Marie n'est qu'un envoyé avant lui, bien des envoyés passèrent. Sa mère était parfaitement véridique. Tous deux mangeaient de la nourriture. Tous deux mangeaient de la nourriture. Qu'est-ce qu'implique ce passage-là? Ben, il implique une qualité. Laquelle, cette qualité? Hein? C'est l'humanité. Le verset fait allusion à l'état d'indigence et de besoin qui est qui prive Jésus de la qualité que lui attribuent certains chrétiens, à savoir qu'il est un Dieu, car un Dieu est assez riche pour se passer de toute chose. Hein. Le fait de manger est une forme d'indigence. Hein. C'est la faim. Et après avoir mangé, on va où? On va aux toilettes. Donc, on va aux toilettes pour faire ses besoins. C'est un extrême état de faiblesse. D'accord? Bon, certains savants, ils appellent cette kinaya une allusion qui consiste en la pudeur. Kinayatu haya. Allah fait allusion à ce genre de choses, hein, par des mots raffinés et décents. C'est-à-dire, bon, il mangeait de la nourriture, Allah n'a pas voulu dire qu'il satisfaisait leurs besoins naturels. Et donc, le fait de satisfaire ses besoins naturels, c'est un état de dépendance, d'un état de faiblesse et d'indigence. Et donc, la personne qui fait ça ne saurait être un dieu. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il transcende, il est trop transcendant pour au-delà de ces choses-là. D'accord? Donc, ça, c'est une sorte de kinaya, sorte d'allusion qui consiste en la pudeur. Allah fait allusion toujours à ce genre de choses par des mots raffinés et décents. Hein? Méditez les mots que le Coran emploie lorsqu'il fait allusion à la relation sexuelle entre l'homme et son épouse. Quand il dit Wala taqrabuhunna hatta yatahurn, ne vous approchez pas d'elle qu'une fois, ne vous approchez d'elle qu'une fois purifiée. Dans sourate Al-Baqarah, Wala taqrabuhunna hatta yatahurn, ne vous approchez. Ça, c'est une kinaya, c'est une allusion. Allusion quoi? À la relation intime. Ou dans un autre verset, il dit Ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida, tant que vous ne les avez pas touchés. Ça, c'est un verset sur le divorce, sur la répudiation. Donc, tant que vous ne les avez pas touchés, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle entre vous. Ça, c'est dans Sourate Al-Baqarah aussi. Ou la mastumun nisa. Dans Sourate Nisa. Et dans Sourate Al-Ma'idah aussi. Si vous avez touché aux femmes, touché, donc allusion à la relation intime. D'accord? فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. Lorsqu'il l'eut couverte, elle porta tout d'abord un fait léger. C'est-à-dire début de grossesse. Il l'eut couverte. Donc, kinaya. Hein? Ça, c'est dans Sourate Al-A'raf. وقد أفضى بعضكم إلى بعض. Chacun de vous s'est livré à l'autre. Dit Allah subhanahu wa ta'ala. وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Il s'est livré à l'autre, donc kinaya qui désigne une relation, la relation entre l'homme et sa femme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle kinaya an sifa. C'est une kinaya qui implique une qualité. D'accord? Autre exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ويوم يعض الظالم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. C'est dans Sourate Al-Furqan. Le jour où l'injuste se mordra les mains en s'écriant Ah, si seulement j'avais suivi la voie de l'envoyé. Si seulement j'avais suivi la voie de l'envoyé. L'injuste se mordra les mains. Le jour où l'injuste se mordra les mains. L'injuste se mordra les mains, ça, c'est pas ça, ça implique quel sens? Hein, il fait allusion à quoi? C'est une kinaya à quoi? Il fait allusion à une qualité. À une qualité à savoir, ou un sentiment à savoir, le regret. D'accord? Donc, quand je dis, sifat, ça veut dire attribut, qualité, sentiment. Autre exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. Le voici qui se tord les mains d'avoir tant investi dans ces jardins qui ont été détruits. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. Ça, c'est une allusion à quoi? Au remords et au regret d'avoir donné un associé à Allah. Le verset, c'est dans Sourate Al-Kahf. L'histoire des deux hommes, la personne, le propriétaire du jardin qui s'est vanté d'avoir un beau jardin, etc., et qu'il a mécru. Et puis, quand Allah subhanahu wa ta'ala a détruit son jardin, il a commencé à se tordre les mains. Et donc, le terme tordre les mains, c'est une kinaya, allusion au regret. D'accord? Il y a, bon, on distingue aussi kinaya amma wasouf. C'est l'allusion où les termes employés sont une description de la chose impliquée par eux. Exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ » ça c'est dans sourate Al-Qamar. « Nous le transportâmes sur la chose de planches et de clous. » Nous le transportâmes sur la chose de planches et de clous. La chose de planches et de clous, allusion à quoi? Allusion à l'arche. L'arche de Noé. Donc ça c'est concernant l'allusion. Passons maintenant au ta'rid, le sous-entendu. Le ta'rid, le Suyuti l'a cité avec la kinaya dans le 54e chapitre de son Itran. Et ta'rid, c'est quoi? Le sous-entendu, c'est le fait d'indiquer par une expression un autre sens. C'est le fait d'indiquer par une expression un autre sens. C'est le fait de dire des propos dont on vise un autre sens, compris d'après la situation, et non pas d'après les termes employés. C'est ce qui fait la différence entre le ta'rid, le sous-entendu, et l'allusion kinaya. D'accord? Dans la kinaya, le sens dont il est fait allusion est compris à partir des termes employés. C'est une application de termes qui existent dans la phrase. Alors que dans le cas du ta'rid, non. Le sens, il est compris d'après la situation. D'accord? Le sens voulu n'est pas compris à partir des termes employés. Ça, on le comprend d'après le contexte et la situation. Je vais donner un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-Muslimu man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le véritable musulman est celui qui épargne aux autres musulmans les méfaits de sa langue et de sa main. Hein? Ah, le hadith est au sens propre. Il ne comporte pas de sous-entendu. Mais si par exemple un musulman qui marche dans la rue, hein, et puis tout d'un coup un homme de grande taille lui barre le chemin dans l'intention de l'agresser ou de lui voler ses biens. Et ce musulman dit à cet homme, on va supposer que cet homme est aussi un musulman, il lui dit, le véritable musulman est celui qui épargne aux autres musulmans les méfaits de sa langue et de sa main. Ben, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Hein? Il lui demande de ne pas lui faire du mal, hein? Et de le laisser tranquille. N'est-ce pas? Donc, d'où j'ai tiré ce sens-là? D'où je l'ai tiré? Je l'ai tiré de la situation, hein? Et non pas par des termes de ce hadith, hein? Et c'est ça ce qui distingue le ta'rid, le sous-entendu, de l'allusion, à savoir la kinaya. D'accord? Le sens n'est pas tiré de mots, des termes de la phrase, mais de la situation générale. D'accord? En usant de la kinaya et du ta'arid, du sous-entendu, on transmet ce qu'on veut dire de la plus belle manière. D'accord? Le sous-entendu peut se présenter, bon, sous les phénomènes suivants, hein. Il peut être fait pour mettre en évidence le mérite d'une personne. On peut l'employer, le ta'arid, le sous-entendu, pour, hein, montrer l'éminence d'une personne déterminée. Je donne un exemple où Allah subhanahu wa ta'ala dit Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Les envoyés, nous donnons la préséance à certains d'entre eux sur d'autres. Il en est à qui Allah a parlé directement. Minhum man kallama Allah. Il en a élevé certains de plusieurs degrés. Il en a élevé certains de plusieurs degrés. Ibn Abbas, radiallahu anhu, a dit, il en a élevé certains de plusieurs degrés, c'est-à-dire Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que ce terme-là désigne, cette phrase-là, désigne Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Vise Muhammad. C'est un ta'rid. C'est un sous-entendu. C'est une allusion à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est assez subtil, si vous voulez. Suivez-moi. Allah, il a parlé des envoyés en général. Il l'a dit, tilka rusul. Il a faddalna ba'dahum ala ba'd. Puis il a dit, il en est à qui Allah a parlé. Minhum man kallam Allah. Minhum man kallam Allah, il fait allusion à qui? À Moussa alayhi salam, à Moïse. Puis il a dit, وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتِ Il en a élevé certains de plusieurs degrés. N'est-ce pas? Puis il a, juste après, il a dit وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ À Jésus, fils de Marie, de Mariam, nous avons donné les preuves évidentes et nous l'avons assisté de l'Esprit Saint. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ Donc cela sous-entend que le passage, il en a élevé certains de plusieurs degrés, signifie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle a parlé à Moïse, parlé de Moïse, مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهِ Il a fait allusion à Isa, à Jésus, fils de Marie. Il a parlé de Isa direct. Clairement à Jésus, fils de Marie et Mariam. Nous avons donné les preuves évidentes, nous l'avons assisté de l'Esprit Saint, et entre ces deux passages, il a dit, il en a élevé certains de plusieurs degrés. Il en a élevé certains de plusieurs degrés, ça signifie Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il a employé le pluriel, hein? Certains, ba'dahum, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam représente à lui seul plusieurs envoyés, hein? Comme Allah a dit à propos de Ibrahim, il était une communauté. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. À lui seul était une communauté. Donc, ce ta'rid est fait pour, ou c'est sous-entendu, est fait pour l'exaltation, pour mettre en valeur la grandeur de la personne ou de la chose. Hein? Donc, ici, pour mettre en valeur l'imminence de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَإِذْ يَغْشَشْ سِدْرَةَ مَا يَغْشَ Qu'on couvrait le lotus, ce qui le couvre. Ça c'est dans Surat al-Najm. Le lotus, c'est l'arbre qui est au-dessus du septième ciel. Ça c'est Surat al-Najm où Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'ascension nocturne de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Où il dit, إِذْ يَغْشَ سِدْرَةَ مَا يَغْشَ Ce qui couvrait, qu'on couvrait le lotus, ce qui la couvre. Hein? Qu'est-ce qui couvre le lotus? C'est la lumière. C'est la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un ta'rid. Hein? Allah n'a pas mentionné la lumière, mais dit ce qui le couvre. Hein? D'accord? C'est un ta'rid pour être... c'est un ta'rid qui indique qu'il s'agit de la lumière et pour mettre en évidence la grandeur, l'imminence de cette cette lumière divine. Donc, premièrement, c'est fait ta'rid, le ta'rid, le sous-entendu pour mettre en valeur l'imminence de la chose ou de la personne. Et le ta'rid peut être fait aussi dans un esprit de douceur à l'égard de l'interlocuteur et pour éviter toute dispute et toute confrontation et toute heure, d'accord, toute opposition. Je donne un exemple. قال تعالى وما لي لا أعبد الذي فطرني. Allah relate les propos d'une personne, d'un croyant. Et pourquoi n'adorerai-je pas celui qui m'a créé? Ça c'est dans Sourate Yassine. C'est l'histoire de l'homme qui est venu du fond d'une cité, d'associateurs, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des messagers pour les avertir. وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ Alors du fond de la ville a couru un homme qui a dit « Oh mon peuple, suivez les messagers qu'Allah leur a envoyés. » Et puis il a dit, jusqu'à ce qu'il a dit, « Bon, et pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé au Mali ?» La a'budu alladhi fatarani. En vérité, il voulait dire quoi? Il voulait dire, et pourquoi n'adoreriez-vous pas celui qui vous a créé? D'accord? C'est ça ce qu'il voulait dire. Quand il dit, wa ma li la a'budu alladhi fatarani. Et pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé? Non, il s'adresse indirectement à eux. Et pourquoi n'adorez-vous? Il voulait dire, et pourquoi n'adorez-vous? Vous n'adorez-vous pas celui qui vous a créé? La preuve est qu'il a dit juste après, wa ilayhi turja'un. Et pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé? Et auprès duquel vous serez ramené. D'accord? Donc il ne l'aura pas attribué. Pardon, elle ne leur a pas attribué directement le faux. Bon, il voulait leur transmettre la vérité d'une manière qui ne suscite pas leur colère. Hein, une manière sage. Il ne leur a pas dit directement vous êtes dans le shirk. Il voulait leur faire comprendre qu'il leur veut du bien. Et qu'il leur veut ce qu'il veut pour lui-même. Et pourquoi n'adorerais-je pas celui qui m'a créé auprès duquel vous serez ramené? أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً يُرِيدُنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ. La suite, prendrai-je en dehors de lui des divinités dont l'intercession ne me sera d'aucune utilité et qui ne me sera d'aucune utilité si Allah veut me punir. Prendrai-je en dehors de lui des divinités dont l'intercession ne me sera d'aucune utilité si Allah veut me punir. Donc ça c'est un ta'arid. Ça c'est un sous-entendu, sous-entend, c'est un ta'arid qui est fait pour dans un esprit de sagesse à l'égard du récepteur, à l'égard de celui à qui on s'adresse, pour éviter toute dispute. D'accord? Et il y a aussi le ta'arid pour amener graduellement l'adversaire à se mettre ou à suivre la vérité. L'amener graduellement. Je donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Si jamais, là il s'adresse, Allah s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si jamais tu donnes des associés à Allah, toutes tes œuvres seront réduites à néant et tu seras du nombre des perdants. Allah dit cela à son envoyé alors que, comme on le sait, le prophète sallam est immunisé contre le shirk. Allah, il vise par ce discours, non pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les associateurs, les mushrikines. Il veut les amener indirectement à se débarrasser de leurs idoles. Parce que la menace directe, qu'est-ce qu'elle fait, la menace directe? Elle met l'adversaire sur la défensive et refuse de reconnaître ses torts. Allah ne leur a pas dit, vous allez, si vous continuez à associer à Allah, bon, tous vos œuvres seront réduites à néant et vous serez du nombre des perdants. Il n'a pas voulu les heurter, mais il s'est adressé à eux indirectement en s'adressant à son prophète. Par ces propos, la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. D'accord? Donc c'est comme si Allah disait à son prophète, si toi, ô Muhammad, toi, le meilleur prophète, toi qui as été chargé de transmettre le message de l'unicité pure, toi qui jouis d'un rang de mérite très éminent auprès de moi, si tu m'associes quelque chose ou quelqu'un, ben tes œuvres seront réduites à néant. Là, ça pousse toute personne qui n'a pas ces privilèges à réfléchir. Et bien sûr, personne n'a ces privilèges-là. D'accord? On distingue aussi le sous-entendu, le ta'rid qui vise le blâme. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحَقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Il n'est qu'un rappel et un Coran explicite, c'est de Surat Yassin ça. Il n'est qu'un rappel et un Coran explicite afin qu'il avertisse celui qui est vivant. Afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertisse celui qui est vivant. Alors le sens sous-entendu, Allah il blâme. Hein. Il blâme ceux qui refusent d'écouter les avertissements, le rappel d'Allah et les avertissements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a assimilés à des morts. Il a dit, quand il dit, pour qu'il avertisse celui qui est vivant, c'est-à-dire que ceux qui sont morts, bon, il ne va pas les avertir. Et ceux qui n'entendent pas, ils n'écoutent pas attentivement le rappel, bon, ce sont des morts. D'accord ? Donc c'est un ta'rid qui vise le blâme. Et puis il y a le sous-entendu qui peut viser l'humiliation. Hein ? Où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Surat Takwir. Lorsque la fillette enterrée vivante aura été interrogée, pour quel crime a-t-elle ainsi été tuée? Ce verset-là vise à dénoncer celui qui l'a tuée. Quand il entend ce verset, Allah ne s'adresse pas à lui. Lorsque la fillette enterrée vivante aura été interrogée, il interrogera la fillette. Pour quel crime a-t-elle ainsi été tuée? Il vise Allah subhanahu wa ta'ala à dénoncer celui qui l'est, le meurtrier, celui qui l'a tué. Hein? Quand le meurtrier entend ce verset-là, ben, il sait qu'il est visé. Il ne pourrait rien dire. Hein? D'accord? Qu'a commis cette fillette pour qu'elle subisse tout cela? D'accord? Bien sûr, subhanallah, la signification de ce verset-là, il est toujours en vigueur. C'est le sens qui ne tombe jamais en désuétude. C'est l'un des signes, c'est l'une des preuves de l'ijaz, de l'immutabilité du Coran. Hein? Ce verset-là, subhanallah, s'adresse à tout le monde dans toutes les époques. Aujourd'hui, hein, les infanticides, l'avortement, hein, les rites sataniques dans lesquels on tue des enfants innocents, ce verset-là s'adresse à eux. L'agression, le fait de prostituer des petits garçons, de les utiliser dans un commerce de pornographie, etc., ce verset s'adresse à ces criminels-là. L'imam Suyuti, il a cité cet autre exemple, l'excellent exemple hein, du ta'rid. Ibrahim alayhi salam, quand il a démoli les idoles de son peuple, en en épargnant un seul, le plus grand, et son peuple lui dit, « Est-ce toi Ibrahim qui a fait cela de nos dieux ?»« Qalou, a anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim ?» Comment il a répondu ?« Qala bel fa'alahu kabiruhum hadha » C'est leur plus grand que voici qu'il a fait. Hein? Ça c'est un ta'rid. Hein? C'est le plus grand, la plus grande idole qui a démoli les autres. C'est un ta'rid. Hein? Éloquent. Il sous-entend que leur esprit est vraiment stupide. Hein? C'est un ta'rid éducatif. Hein? Où l'acte est intervenu. Hein? C'est le plus grand, c'est la plus grande idole qui a détruit les petites idoles. Il était en colère et il n'a pas accepté, il était jalouse, hein, il n'a pas accepté que ces petites idoles soient adorées avec elle. D'accord? Alors, la kinaya et le ta'rid, leur utilité, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils t'apportent l'information et la preuve. Ils t'apportent l'information et la preuve. La poétesse Al-Khansa, la poétesse Khansa, dans son élégie sur la mort de son frère, le frère Sakhar s'appelle, il l'a perdu dans. Il a perdu Sakhar et Ses deux autres frères, Sakhr et Muawiya. Bon, dans son élégie sur la mort d'un de ses frères, il a dit طويل النجادي رفيع العمادي كثير الرمادي إذا ما شتى. C'est un poème. Il a dit طويل النجاد. Ses frères, ils ont combattu dans la bataille d'Al-Qadisiyah, c'est-à-dire la conquête de la Perse, sous le calife Othman, radiallahu ta'ala. Il a perdu 4 de ses garçons, 4 martyrs, et subhanallah, il a loué Allah subhanahu wa ta'ala pour cet honneur. Il dit dans son élégie sur la mort de ses frères, طويل النجادي رفيع العماد كثير الرماد إذا ما شاء ما إذا ما شاء. طويل النجاد, il voulait dire par là que le fourreau de son sabre est long. Il décrit son frère, il dit que le fourreau de son sabre est grand, est long. Ça veut dire quoi? Il fait allusion à quoi? À la grande taille de son frère. Hein? Quelqu'un de petite taille ne peut pas se ceindre d'un long fourreau. Il va le traîner par terre. Hein? Ici, il fait allusion à sa grande taille. Et en citant la chose qui prouve sa grande taille, à savoir le long fourreau du sabre, elle fait allusion à son courage. Hein? Ce n'est pas n'importe qui se promène avec un sabre, d'accord? Donc la valeur du rhétorique du majaz en général, que ce soit l'istihara, le kinaya, le ta'rid, c'est qu'il te donne, la preuve, il te décrit la chose, il te donne une preuve supplémentaire. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup d'utilité de la rhétorique du majaz. Il y a le fait de faire parvenir l'idée à sa meilleure expressivité, à son expressivité maximale. Le wusul bil ma'na ila ghayatihi wa muntaha. Il exprime l'idée de la manière la plus éloquente. Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit was'al al-qaryat allati kunna fiha wal 'ayr allati aqbalna fiha dans sourate Yusuf alayhi salam. Demande à la ville dans laquelle nous étions et les caravanes qui étaient avec nous. Demande à la ville dans laquelle nous étions. Demande à tout ce qui se trouve dans la ville, y compris les murs. D'accord? D'accord. Donc l'emploi de cette métonymie est très éloquente, c'est très belle. Hein? C'est mieux que Was'al Ahl al-Qarya. Demande aux habitants de la cité. Demande à la cité, ça veut dire demande à n'importe qui. Donc j'ai un sens supplémentaire. D'accord? Je donne un autre exemple. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Et lorsque tu récites le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas au jour dernier un voile mastour, un hijab mastour. Normalement, un voile satir. Normalement. C'est un voile qui couvre. Ce qui couvre. Mais là, j'ai une voix passive. J'ai un terme à la voix passive. Mastour. Maf'oul. Hein? C'est comme un complément. Un voile. Mastour. C'est-à-dire que le voile lui-même est caché. Un voile caché. Normalement, dans ma tête, quand je dis un voile, c'est un voile qui cache. Hein? Hijab satir. Qui cache. Qui te cache d'eux. Mais là, j'ai mastour, c'est-à-dire que le voile lui-même est caché. Cette figure du style, c'est pour mettre l'accent sur le pouvoir de ce voile de cacher. C'est le pouvoir de ce voile de cacher au point d'être lui-même caché, au point d'être lui-même mastour. D'accord? Ça, c'est l'une des valeurs des enseignements tirés ou des utilités de la rhétorique, du majaz en général, c'est-à-dire istiara, la métaphore, ou kinaya, allusion, ou le sous-entendu. D'accord? Une autre valeur, c'est l'ijaz. La concision, qui consiste en le raccourcissement. En peu de mots, on exprime beaucoup d'idées.